Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de l'Aérospatiale en ce mardi 30 octobre 2012. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler art visuel et toujours qui m'accompagne à la mise en onde, Jacques Gignac. Et donc un plaisir évidemment de vous retrouver cette semaine avec une émission, mais comme à l'habitude, bien remplie. Alors on va explorer différents axes liés aux arts visuels, notamment le gros don qui a été effectué au Musée national des Beaux-Arts, des œuvres d'Alfred Pellan, 1000 objets, œuvres et autres. Il y avait un événement cette fin de semaine autour justement de ce don. Nous, aujourd'hui, on va revenir un peu là-dessus et essayer de prendre état de ce qui a été donné, de qu'est-ce que ça représente également pour le Musée national des Beaux-Arts du Québec. Alors, John Porter, le président du conseil d'administration de la fondation du musée, sera avec nous pour en discuter. Également de passage, il y aura François Vallée de la Chambre Blanche. Beaucoup d'activités de leur côté, évidemment. Ils ont leur résidence comme à l'habitude. Il y a également une exposition qui s'appelle Géographie variable qui est présentée à l'édifice Binox. Et eux préparent pour le 2 novembre un colloque autour de l'art réseau. Ça s'appelle Signal. Alors, on parlera d'un peu tous ces événements en compagnie donc de François Vallée tout à l'heure. Également, de passage, côté chronique, il y aura Dominique Savoie qui portera un regard sur différentes expositions à vue et à l'œil de poisson. Et dans l'immédiat, je rejoins Simon Roy pour sa suggestion audio de la semaine. Bonjour. Bonjour Raymond. Ça va bien? Oui, c'est une fin de grippe, enfin. Ça va mieux. Et la musique que tu nous as choisie cette semaine sera-t-elle un peu grippée? Non, pas du tout. Une musique vraiment divertissante. Musique de jouet cette semaine. C'est un drôle de trio. Un trio composé de Steve Beresford, Anna Humler, puis Richard Sanderson. Donc, ils ont pris des jouets, des jouets pour enfants, des gadgets électroniques. Ils ont pris des échantillonneurs. Ils ont tout brassé ça ensemble. Ils ont fait une performance live. C'était enregistré donc à Berlin, le titre de l'album qui est Berlin Toy Bazaar. Ça a été enregistré en 2003, mais ça vient tout juste de sortir, donc c'est sorti le 9 septembre. C'est donc composé de Steve Beresford, qui est au jouet, au gadget électronique assez cheap, pour l'échantillonneur. Steve Beresford qui a déjà joué avec John Zorn, Evan Parker, donc joué avec des grosses pointures dans plusieurs groupes aussi. Anna Humler, qui se spécialise dans la voix, qui elle aussi joue avec des jouets, donc vraiment elle travaille la voix de façon assez incroyable. C'est pas des paroles, c'est plus des trucs sans sens, c'est vraiment tordant de l'entendre. Puis enfin, Richard Sanderson, qui lui aussi au jouet, au sampler, puis à l'accordéon. Alors, quelque chose d'assez particulier, comme tu dis, d'assez ludique, donc ça rejoint, le ton de la musique rejoint bien le type d'instrument qu'ils utilisent. Oui, exactement. Puis c'est un album, comme toujours, en téléchargement gratuit. Il y a quand même 12 pièces, donc c'est vraiment, vraiment drôle. On ne sait absolument pas à quoi s'attendre d'une seconde à l'autre. C'est rempli de surprises. Alors, ben, on aura 4 extraits au fil de l'émission. Simon Roy, merci. Ça fait plaisir. Et on t'entend évidemment à Web Musique ce dimanche à compter de 21h. Oui. Et nous, on s'en va avec un premier extrait de cet album Berlin Toy Bazaar. On écoute Mitten In. Thank you. Alors voilà, extrait donc de Berlin Toy Bazaar, suggestion audio de Simon Roy. Et comme à l'habitude d'ailleurs, on mettra les liens des suggestions audio, les liens également de la revue de presse de la semaine sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Et d'ailleurs, en matière d'actualité, quelques clins d'œil pour cette semaine, notamment les finalistes des 23e prix d'excellence des arts et de la culture de la ville de Québec ont été dévoilés en cours de semaine dernière. Et évidemment, avec ça, les prix Vidéré en art visuel. Au niveau du prix création, donc qui lui est remis à un artiste dont la récente production s'est démarquée de l'ensemble de la programmation, ben les trois nominés sont Virginie Mercure pour l'exposition XYZ à Regard, ainsi que Gino Quentin pour Mon corps est une planète, également à Regard. Et il y a aussi nomination pour Georgia Volpe pour Méandre et Mouvoir, s'émouvoir. Donc Méandre qui était à vue, Mouvoir, s'émouvoir qui était présenté dans le cadre des événements de la Manif d'art à la bibliothèque Gabriel Roy. Et sinon, le prix Vidéré relève, donc qui est remis à un artiste de la scène émergente qui s'est démarqué. Eh bien, les nominés sont Sylvie Larouche pour les théâtres identitaires qui était présenté à Vue. Également Catherine Blanchet pour sa série Mandala. Ça, c'est dans l'exposition Kaléidoscopie, les frissons du réel à la galerie Zara. Et Peyo Elissieri pour le monument qui lui était présenté à la galerie des arts visuels. Alors, ben d'ici la fin du mois de novembre, on sera les gagnants puisque les prix seront remis le 27 novembre. Et puisqu'on parle de remise de prix, mention également du côté de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec. Le premier prix John R. Porter a été remis. Il a été remis à Anne-Élisabeth Vallée, qui est docteur en histoire de l'art et qui a réalisé l'essai Napoléon Bourassa et la vie culturelle à Montréal au 19e siècle. C'est un essai qui avait été publié aux éditions Léméac en 2010. C'est un prix qui vise évidemment là, à encourager et appuyer la relève en histoire de l'art. Alors ben voilà, donc une première récompense. Et il y en aura, on l'imagine, d'autres au fil des années à venir. Dans un tout autre ordre d'idées, je suis tombé sur cet article-là dans le journal Le Libération. Et j'ai trouvé la question intéressante. En fait, c'est en France, donc deux importants artistes, des galeristes mastodontes, on nous dit, en fait, Tadahus Ropak et Larry Gagosian, qui, face à la montée des prix des logements, des ateliers, des lieux dans les centres-villes parisiens, dans le centre-ville parisien, mais ils ont décidé de déplacer leur galerie en banlieue, de se mettre un peu plus près des autoroutes, des aéroports pour être plus facilement accessible. Et disent, ben regardez, nous, ça va devenir peut-être un peu plus rentable comme exercice si on sort du centre-ville, si on s'en va donc dans ce secteur-là. Oui, d'un côté pour la clientèle donc qui sera peut-être plus présente de par cette accessibilité-là accrue au niveau des défis de stationnement et autres, mais également donc face à la montée des tarifs dans les centres-villes. Alors, est-ce que c'est un phénomène isolé ou est-ce que c'est un phénomène qu'on pourra retrouver ailleurs ou qu'on retrouvera tranquillement au fil des années, alors que les coûts augmenteront dans les centres-villes du monde? Eh bien, ça reste à suivre, mais c'est un peu la question que pose Libération avec cet article. Et également, puisqu'on parle d'aéroports, à Paris-Roissy, Charles de Gaulle, il y a un musée qui va être intégré. En fait, le lancement, ça va avoir lieu dans quelques mois, en fait. Donc, c'est un espace de 250 mètres carrés qui sera destiné à recevoir une sélection d'œuvres emblématiques des grandes institutions parisiennes, musées et fondations. Des expositions qui vont tourner à chaque 6 mois, donc quand même une certaine variété. La dynamique existe déjà en Hollande, notamment. Il y a un espace muséal, mais qui est réservé à un seul musée. Il y a certains aéroports aux États-Unis qui sont dotés d'espaces d'exposition, mais qui sont consacrés à des expositions technologiques. Et en France, donc, il y a aussi un autre lieu, je crois, d'exposition dans un autre aéroport. Mais bref, c'est le premier musée où il y aura plusieurs partenaires et qui sera entièrement consacré aux arts, donc aux arts visuels au sens large. Alors, ce sera intéressant de voir, évidemment, la fréquentation de ce lieu. Et enfin, pour terminer, on vous en avait parlé il y a quelques semaines, il y avait eu un vol assez mystérieux aux Pays-Bas, donc plusieurs toiles, notamment de Picasso, Matisse, Monet, Gauguin, qui avaient été dérobées, un butin estimé entre 50 et 200 millions d'euros, donc faites la multiplication pour l'équivalent en dollars. Et semble-t-il qu'on a trouvé d'où viendraient les voleurs, du moins il y a une hypothèse qui commence à circuler de manière plus sérieuse parmi les forces de l'ordre. Il s'agirait probablement d'un vol lié au trafic de drogue, donc pour financer des trafics de drogue et de l'achat de cocaïne. Alors, ça reste évidemment à prouver, mais pour l'instant, ça semble être la piste principale, et ce qui amène certaines questions, à savoir les métissages entre le marché de la drogue, le milieu de la drogue, le milieu interlope et le marché de l'art. Alors, plusieurs questions qui sont soulevées dans la revue de presse, on vous les lance. Et d'ailleurs, comme à l'habitude, si vous avez des réactions et des interrogations, aérospatial.ckrl@gmail.com. Et nous, on repart avec un autre extrait audio de cet album Berlin Toy Bazaar. Alors, et voilà l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est Bontemptuosity, donc de Steve Beresford, Anna Hummler et Richard Sanderson. Et on le disait en introduction, beaucoup d'activités présentement autour de la Chambre Blanche, notamment un colloque consacré à l'art réseau qui s'appelle Signal, qui sera présenté du 30 octobre au 2 novembre. Et également, la Chambre Blanche présente aussi Géographie variable, une exposition qui, elle, est présentée jusqu'au 11 novembre à l'édifice Binox. Et pour nous parler de ces activités-là, on est en compagnie du coordonnateur de l'endroit, François Vallée. Bonjour. Bonjour. Et d'abord, peut-être commençons par Signal. On parle d'un colloque international en art réseau. Pourquoi avoir choisi d'organiser cet événement-là? Qu'est-ce qui fait l'importance d'un événement comme ça pour la Chambre Blanche? La Chambre Blanche se spécialise en art réseau, art web depuis maintenant l'art 2000. Il y a 12 ans, en 2000, on faisait notre premier colloque sur l'art réseau à la salle multi. Alors, pour signaler un peu ces deux années, on a décidé de voir un peu qu'est-ce qui était de... On en était rendu où avec leur réseau. Et peut-être petit rappel pour ceux qui connaissent moins cette tranche des arts contemporains. Donc, leur réseau, on parle d'art technologique, d'art web. On parle d'art technologique, d'art web, d'art qui se servent des réseaux, mais des réseaux dans leurs ensembles. Alors, ça peut être des réseaux entre communautés, ça peut être des réseaux web, des réseaux Internet. Alors, tout ce qui englobe les réseaux, dans le sens large. Ouais. Et j'ai comme l'impression que ça devient de plus en plus incontournable. Dans notre société, on le voit avec la mobilité. Je veux dire, le réseau, il y en a partout, on est connecté partout. Et donc, j'imagine, comme on dit souvent, que l'art est le reflet de la société, c'est parfaitement normal qu'il y ait une intégration, une volonté d'explorer ce champ-là du côté de l'art contemporain. Ouais, c'est vraiment l'art qui se fait en ce moment. Et quel genre d'exploration on peut observer et que vous comptez explorer justement lors du colloque? Alors, le colloque qui a commencé aujourd'hui, puis il va durer jusqu'au 2 novembre. Alors, 4 jours de colloque, 3 conférences par jour, alors qui sont divisées par thématique à chaque jour. Aujourd'hui, c'était stabilité et instabilité. On avait Derrick de Kerckhove, qui est enseignant à l'Université de Naples, un émule de McEwen. Marie-Christiane Mathieu, qui est professeure à l'Université de Laval, et puis Mike Stubb, qui est un coordonnateur d'un centre en Angleterre. Demain, c'est 31, c'est Information et mythologie. Mm-hmm. Après ça, au 1er novembre, c'est écologie, écosystème et écologie, et le 2 novembre, esthétique et politique. Et vous disiez, François Vallée, on va prendre conscience un peu des avancées qui ont été faites de 2000 à 2012. De votre côté, justement, la recherche, l'intégration, le travail que vous faites à la Chambre Blanche, est-ce que ça a beaucoup progressé, ça a beaucoup changé en 12 ans? Il y a énormément de progressions qui se sont faites. On est parti vraiment d'un jeu de en fin de compte, ce qui se fait toujours en art numérique au début. Regarde, je suis capable de faire ça avec mon ordinateur, je suis capable de faire ça avec le programme. Maintenant, les gens travaillent vraiment dans les programmes, travaillent dans les réseaux, et puis les triturent vraiment. Et en même temps, on peut avoir l'impression que c'est une tangente qui est récente, donc avec l'explosion technologique, mais justement, dans les noms que vous avez cités, on parle de Derek de Kerckhove qui, je pense, explorait la question de village global, donc il y a presque une quarantaine d'années. Très longtemps, c'est ça, oui. Et donc, lui a effectué, dans le fond, un retour sur cette expérience-là. Aujourd'hui, c'est ça. Il a vraiment fait un retour et il nous a vraiment montré où s'en est rendu là, en ce moment. On peut même voir un peu tous les réseaux sociaux, comment ils ont évolué. C'est maintenant, je veux dire, il n'y a pas une manifestation qui peut pas se faire sans les réseaux sociaux. Les policiers, les manifestants sont surveillés tout le temps. Et j'imagine qu'il y a une marge entre communiquer et créer avec ce matériel-là. C'est là le défi, justement, aussi, pour les artistes, de voir comment l'intégrer dans une dynamique de création. Dans une dynamique, alors, en partant vraiment des systèmes et en travaillant vraiment ces systèmes-là. Et au niveau, on parlait d'écologie tout à l'heure, donc comment ça peut s'intégrer aussi avec, j'imagine, c'est la notion d'Internet vert, d'éco... Internet vert, après ça, on parle d'écologie, en fait, de système. Alors, le web, le réseau est vraiment un système écologique en lui-même. Donc un peu avec les données qui circulent. En fait, si j'imagine, si on mettrait ça graphiquement, ça représenterait presque des racines. Ou, à peu près, oui, ça pourrait. C'est des raisons. Donc il y a là un grand potentiel, et le défi, j'imagine, aussi toujours, c'est d'intéresser, d'amener les artistes d'ici à explorer, à se joindre un peu à cette exploration-là. À se joindre, ça, les artistes, les étudiants aussi, et le public en général qui est intéressé là, à cette forme d'art, ou à connaître cette forme d'art. Et c'est un peu la volonté derrière, également derrière ce colloque-là, dans le fond? Oui, c'est vraiment de faire connaître un peu le plus possible ce genre d'art-là. Et déjà, en fait, de votre côté, est-ce que vous avez l'impression que on parlait des 12 dernières années de la Chambre blanche, donc depuis que vous avez intégré la réseau, vous vous disiez, mais regardez, on a quand même beaucoup évolué dans la maîtrise. Est-ce qu'il y a des projets, justement, qui ressortent un peu de votre côté quand vous dressez le bilan des 12 premières années? Oui, il y a des projets, je pense à un projet de Jeanne Landry-Bello qui a travaillé directement dans la banque de données de la Chambre blanche. Alors, depuis 78 que la Chambre blanche existe, elle a pris les artistes, elle a fait vraiment une banque de données avec tous ces artistes-là, et puis elle en a fait une iconographie. Alors, c'est tout un système de rhizomes. C'est une œuvre qui est assez impressionnante à voir. On ne la voit pas en ligne en ce moment. Elle a été présentée dans un événement Cube qu'on a fait l'année dernière. Et puis, c'était vraiment impressionnant. On pourrait dire que ça pouvait même ressembler à des insectes. Il y avait vraiment une mobilité, tout ça. Donc on voit qu'on peut, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce matériel, avec ces données-là. Énormément. On pense toujours que c'est de l'art qui est froid, et puis c'est tout le contraire. C'est peut-être très, très chaud comme art. Et d'ailleurs, si les gens veulent explorer avec vous, donc dans le cadre de Signal, donc autant les conférences aujourd'hui que les autres, il y en a une partie qui sont disparues, qui sont retransmises via le web ou qui sont conservées via le web. Il y a toutes les conférences vont être conservées via web. Il y a des conférences qui sont la première conférence le matin à 10h30 et en direct par le web. OK. Alors, si on va sur le site de Signal, signal.chambreblanche.qc.ca, on peut avoir accès directement là, à la conférence. Les autres conférences ont été vidéographiées et puis vont être présentées une journée en retard sur le site. Donc, ça permet de rendre l'expertise disponible aussi pour ceux qui peuvent pas, pour une raison ou pour une autre. Et parallèlement, on reste un peu dans l'international, en fait, parce que pour Signal, vous avez 9 invités d'Europe, 3 Québécois qui participent. Ouais. Et il y a une autre activité, à savoir internationale, géographie variable, où là, on parle de 6 artistes français, 8 artistes québécois. C'est un projet, une collaboration avec Incident.net, qui dure depuis pratiquement, je crois, 2009. Pouvez-vous nous en parler un peu? Ça dure depuis 4 ans. On est dans notre 4e année. Mm-hmm. C'est vraiment un échange croisé entre artistes français et artistes québécois. Il y a Incident qui est le maître d'œuvre en France et la Chambre blanche est le maître d'œuvre au Québec. Alors, il y a des centres au Québec qui ont eu l'amabilité de travailler avec nous autres. Et puis, En France, c'est la même chose. Alors, il y a toujours un artiste français et un artiste québécois qui travaillent en même temps, dans le même espace. Mmh. Pas sur le même projet, mais sur la même thématique, là, je veux dire. Oui, donc, ça permet des résidences croisées, un partage d'expertise, de maîtrise technique oui. et autres. Et comment se font un peu, justement, c'est vraiment une sélection en essayant de voir au niveau des techniques, des approches? C'est vraiment un appel à projet qu'on fait, là, qu'on lance. Les participants, je peux nommer les participants mm-hmm. Qui sont en France. Il y a la Beaumédia à Orléans, il y a l'école des Beaux-Arts de Lorient. Il y a la résidence Incident qui est à Briant, qui est un petit bled dans le fin fond de la Bourgogne. C'est vraiment là, chose étrange à Briant. Il n'y a pas de connexion Internet sur la résidence. Alors, les gens travaillent vraiment en vase clos, vont vraiment travailler les systèmes, et puis par après, vont pouvoir les tester pour voir si ça fonctionne. Tout ça. Ah, c'est intéressant. C'est spécial et il y a vraiment il y a un intérêt de la part des artistes à travailler de cette façon-là aussi. Il y a comme une déconnexion, puis ils sont... Oui, un défi, ça donne une contrainte additionnelle, en fait. C'est ça, oui. Et du côté québécois, donc c'est la Chambre Blanche. Du côté québécois, il y a Séquence à Chicoutimi. Mm-hmm. On a fait un échange aussi avec l'agence Topo une année. Une autre année avec le laboratoire NT2 à Montréal. Et puis, Séquence, c'est ça. Et avec donc ce qui est présenté à l'édifice Binox, c'est un peu la majorité des œuvres de 2010-2011. C'est ça, oui. Et à quoi on s'attend un peu, justement? Qu'est-ce qui est exploré? Parce que j'imagine qu'on parle d'art web, d'art réseau, d'art technologique. De l'art numérique, il y a des applications d'iPhone aussi. Il y a des vidéos. Il y a de l'art web qui est présenté en vidéo aussi, qui est projeté, c'est-à-dire. Et quand on parle d'exemple à l'application iPhone, c'est pouvez-vous nous en parler un peu? C'est Antonin Fourneau, un artiste français, qui a fait ça. C'est en fin de compte, c'est en se promenant dans la ville, il prend les flux de la ville et puis il réussit à faire des playlists avec ça. Donc des playlists musicales. Oui, c'est ça, des musicales, oui, c'est ça. Alors les gens peuvent vraiment faire leur propre playlist s'ils veulent, là, en se promenant en ville. Et sinon, on parlait d'œuvres projetées, quelques exemples aussi. D'œuvres projetées, il y a Cécile Martin qui fait une projection d'œuvres. C'est un site internet qui est projeté. Alors c'est une façon de présenter l'œuvre qui est pas devant un ordinateur, qui est plus chaud un peu qu'un ordinateur. Donc de profiter un peu de d'autres types d'espace, de contexte. Parce que c'est toujours le problème, c'est dans la web, c'est le problème de présenter cette œuvre, ce travail-là. C'est parce que ça doit pas nécessairement être présenté, ça doit pas être nécessairement une projection. Non, c'est bien. On a vraiment un regard intime avec une œuvre web. C'est littéralement, on est face à l'appareil, si on parle d'un site web, j'imagine le site existe à quelque part sur la toile, donc. Et puis on a souvent des actions à faire avec. C'est vraiment un art qui est participatif. Alors quand c'est projeté grand dans un espace, les gens ne participent pas. Il y a comme une gêne qui se crée puis ils participent. On l'observe tout simplement. Alors j'imagine que pour vous, ça doit être un défi quand on organise une activité comme Géographie variable, de trouver une manière de les présenter, de les exposer pour pousser les gens à en profiter, à interagir, que ça soit pas seulement en mode galerie non plus. Ouais, c'est vraiment pas évident. Mais je veux dire, si les gens passent à l'édifice Binox au 9e étage, ils vont pouvoir voir un peu la différence, les différentes façons de présenter les œuvres. Et on a donné deux exemples. Je voudrais qu'on en donne peut-être encore quelques autres juste pour se faire vraiment une idée de qu'est-ce qu'on va retrouver si on se présente justement chez Binox au 9e étage. Il y a une installation interactive d'Alexandre Kessy aussi, de Montréal, qui a été créée à Lorient, pas à Lorient, mais à Orléans. Après ça, il y a une série de vidéos d'Adeline Schweitzer qui sont faites à partir d'une machine qu'il a créée qui est de la réalité augmentée. Oh. Alors, on se promène littéralement avec un ordinateur sur la tête, des lunettes, un ordinateur sur la tête, et puis là, vraiment, là, c'est l'espace change complètement, là, je veux dire, la machine elle-même n'est pas sur place, mais il y a des vidéos qui peuvent nous permettre de percevoir l'expérience. Oui, c'est ça, oui. Il y a une œuvre web de chat, sans clavier, qui a été fait par Nicolas Boileau. Alors, c'est le programme se sert des flux de chat qu'il y a dans le web et puis choisit des mots. Alors, les gens choisissent des mots dans le flux, dans le choix qu'ils peuvent avoir. Alors, en fait, c'est pour faire leur chat. Donc, c'est vraiment encore là. On détourne, on s'amuse, ouais, on joue un peu avec les... C'est vraiment triturer la chose. Je veux dire, Et François Vallée, le fait que ce soit présenté à Binox, vous avez mentionné Cube tout à l'heure, est-ce que c'est un peu dans la lignée un peu de l'idée de créer des liens, de renforcer les liens entre les industries technologiques de Québec et les arts technologiques à Québec? C'est en direct vraiment là avec le Cube. C'est X-Media, c'est sur l'étage d'X-Media. X-Media, Carl-Frédéric Dessel était le président de la levée de fonds. Alors vraiment, c'est en continuation vraiment avec cet événement-là. Oui, parce qu'il y a toujours vos conférences aussi que vous offrez, il y a toujours des activités un peu... j'imagine que l'objectif n'était pas que Cube soit une finalité, mais soit plutôt une ouverture vers quelque chose. Non, c'est une ouverture, c'est vraiment un départ. Et est-ce que dans ce sens-là, j'imagine qu'on en dresse un bilan assez positif? Oui, vraiment un bon bilan. Je veux dire, on a réussi à augmenter, à aller chercher plus de 20 000 $ en dons. Ça va servir pour continuer les activités, puis pour les échanges aussi, parce que les échanges coûtent cher. C'est le défaut des volets internationaux. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est tellement stimulant. Je veux dire, et en terminant, François Vallée, d'ailleurs, on peut mentionner aussi, parlant de volets internationaux, il y a Karina Montenegro, sa résidence qui est ouverte au public encore pour quelques jours. Jusqu'à dimanche. Mm-hmm. C'est une résidence qui est en collaboration à Québec avec la bande vidéo Avatar de la Chambre Blanche. Et puis à Sao Paulo, c'est le MIS, le Musée de l'Image et du Son à Sao Paulo. C'est la deuxième année qu'on fait ça. Et sur quoi elle travaille en quelques mots? Elle devait travailler sur des projections. Elle travaille sur des projections, mais il n'y a pas d'image, pour ainsi dire. C'est assez spécial. C'est minimal, mais c'est d'une très grande justesse, tant que moi. Alors, la meilleure manière de découvrir tout ça, évidemment, c'est de s'y rendre, c'est d'y aller donc à la Chambre Blanche, donc pour Karina Montenegro, à l'édifice Binox, pour Géographie Variable et sur le web, entre autres, pour Signal, la Chambre Blanche, chambreblanche.qc.ca, pour avoir un peu plus d'informations sur tout ça. François Vallée, coordonnateur, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et nous, on prend une courte pause. Au retour, notamment John Porter pour nous parler du Don Pélan au Musée national des beaux-arts du Québec et la chronique de Dominique Savoie. Burlet Staculaire vous invite au voyage. Burlet Staculaire, le cabaret burlesque de Québec, vous convie à son tout nouveau spectacle Burlet Staculaire autour du monde. Venez célébrer les feuillages coquins avec des numéros inédits qui vous feront visiter les destinations les plus exotiques du globe. Burlet Staculaire, près de 40 artistes multidisciplinaires de Québec. Sur scène le vendredi 9 novembre à l'Impérial, 21h. 418-523-3131 ou impérialdequebec.com. Le grand bluesman Kim Mo en fin de retour au Palais Montcalm le 10 novembre. L'incroyable guitariste Kim Mo, lauréat de 3 Grammys, présentera des pièces de son plus récent album The Reflection. Kim Mo le 10 novembre, une soirée inoubliable de blues aux couleurs folk, soul et R&B. Détails au palaismontcalm.ca. Le 9 novembre, le Cercle fête son 5e anniversaire. Une soirée à temps multiple à l'image du Cercle. Serez-vous dans un resto, une salle de spectacle, une galerie d'art, dans une installation immersive ou tout simplement dans un lieu où il fait bon vivre et échanger? Pour le savoir, rendez-vous au Cercle le 9 novembre et rejoignez la faune des artistes et DJ mettant en vedette Radio-Radio. Entrée 10$, venez vivre le tourbillon dès 18h. le-cercle.ca. Un an après la sortie de son premier album, Chloé Lacasse revient en spectacle à Québec le mercredi 7 novembre au Théâtre Petit Champlain. Accompagnée de ses fidèles musiciens, la gagnante de l'édition 2011 des Francouvertes nous offre sur scène une musique aux influences pop-rock qui apporte un vent de fraîcheur à la chanson québécoise. Louis Lacasse le mercredi 7 novembre au Théâtre Petit Champlain. Billets en vente dès maintenant. votre vieux sofa et vos débris de rénovation. On peut vous en débarrasser si vous n'en avez plus besoin. Vous ne vous en servez plus? Alors, vous n'en voulez plus. De votre cour au sous-sol jusqu'au garage. Ce ne sera pas long que vous ne la verrez plus. Parce que tout ça prend de la place. Beaucoup de place. Laissez-nous faire. Et vous aurez l'impression qu'on vous a construit une nouvelle pièce. A800GodJunk.com, recommandé par le CA. Et préparez-vous, vous serez soulagé. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Raymond Poirier au micro jusqu'à 18h30. Jacques Gignac à la mise en onde. Et notamment, on accueille maintenant une de nos collaboratrices ici à l'émission, Dominique Savoie. Bonjour. Allô. Et Dominique, en fait, a été faire une petite tournée dans le secteur de Méduse. Oui, en fait, je me suis pointée dans deux galeries. D'abord à l'Œil de Poisson pour aller voir ce que proposaient les artistes Marie-André Cormier et Frédéric Laliberté. Pour le moment, l'exposition de l'œil de poisson, c'est une co-diffusion avec Folliculture dans le cadre de Extase, la vie et autres pratiques extatiques. Donc, c'est les deux expositions qui se poursuivent là, jusqu'au 18 novembre. Donc, je vais commencer par la Grande Galerie avec Marie-André Cormier qui a été invitée à participer donc à cet événement-là et non, elle n'a pas eu à déposer c'est un dossier. C'est vraiment l'organisme qui a dit on veut explorer choisi, la démarche. De... C'est ça, avec elle. Marie-André Cormier qui est une artiste qui habite de Québec et qui pratique déjà depuis quelques années donc l'art vidéo. Elle a déjà été participée à plusieurs événements. Elle commence à bien se faire connaître. Là, entre autres, elle est participée l'année dernière à la Triennale d'art contemporain de Montréal. Aussi exposé au Musée du Québec, Musée des Beaux-Arts du Québec. Donc, c'est quand même quelqu'un là, qui commence à s'imposer. Oui, c'est ça, exactement. Donc, elle occupe la Grande Galerie avec son exposition qui se nomme « Sud-Est, Nord-Ouest ». Donc, Marie-André Cormier, elle, généralement, en fait, on reconnaît tout de suite son travail dès notre entrée en galerie. Elle a une façon de travailler qui est très dépouillée. Donc, physiquement, c'est toujours... l'organisation de son expo est très dépouillée. Elle travaille beaucoup avec des structures pseudo-architecturales et, bien évidemment, la vidéo. Donc, quand on entre dans la grande galerie, on fait face à une espèce d'immense structure de type mural recouverte de draps tendus qui sert de paroi donc pour la vidéo et qui nous intrigue un peu. On a le goût d'aller voir faire le tour. Malheureusement, on peut pas pénétrer à l'intérieur de cette structure-là, puisqu'à l'intérieur se trouvent les projecteurs donc qui diffusent les vidéos de Marie-André. Deux vidéos nous sont proposées et un peu comme à son habitude, ce sont deux vidéos qui sont en simultané et qui représentent disons la même chose, c'est-à-dire qu'on a une scène fixe et on a une autre scène qui nous propose un tour 360 degrés. C'est l'idée de présenter une action et son contexte donc en faisant le 360 degrés et c'est donc la même action qui se déroule. Mais il faut faire la jonction. Oui, il faut faire la jonction. Ça force une observation peut-être plus participative, dans le fond, de compléter cette... Exactement. En fait, au début, on est persuadé que c'est deux vidéos différentes, puisque visuellement, on voit pas la même chose. Toutefois, dépendamment où on s'oriente dans la salle, on comprend que en simultané, ça fonctionne. C'est comme si on avait voulu filmer l'action et son contexte, et donc temporel et spatial. Et ça vient justifier la structure, dans le fond, l'ambiance dans laquelle on choisit de présenter ces vidéos-là pour forcer, j'imagine, la jonction, mais la division aussi de cette action-là. Oui, exactement. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est une chose aussi qui est très, qui est très fréquente dans les vidéos de Marie-André. C'est-à-dire qu'on voit des personnages, en fait, qui, dans leur action, en fait, ce sont des gestes qui se répètent. Ce sont deux personnes, un homme et une femme, qui plient, déplient, déplacent, alignent des boîtes. Donc, c'est des gestes très quotidiens. Des gestes très quotidiens, en fait, qui, en soi, n'ont pas une signification marquante, mais qui deviennent, à force d'être répétés, presque poétiques. C'est comme une chorégraphie, finalement. Mm-hmm. Ça, c'est l'image, la vidéo qui est fixe. C'est ce qu'on peut vraiment voir. Et c'est silencieux. Il n'y a pas de son accompagnant cette vidéo-là. Et quand on regarde l'autre vidéo. Donc, on voit le contexte, donc c'est le 360. Donc, on voit le lieu, le milieu où tout ça a été filmé, une sorte d'atelier où se trouvent un peu tous les matériaux qu'on peut imaginer, outils, projecteurs, des madriers, etc. Puis, à chaque tour complété, l'action s'arrête. Donc, et s'arrête dans les deux vidéos en même temps. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, sur la vidéo fixe, on voit les personnages arrêter. Donc, tout simplement, arrêtent leur action. Et le 360 se complète et on peut voir, donc, la poursuite, donc, en nombre sur la version 360 degrés. Donc, on voit que ça reprend puisqu'on devine par l'ombre qui recommence à bouger. Donc, l'action reprend. Puis, si on regarde sur l'autre vidéo, ben on perçoit effectivement la reprise de l'action. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. La boucle de vidéo dure peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes. Là, j'ai pas nécessairement chronométré. Mais c'est intéressant. Puis, en fait, tout le long, on se pose beaucoup de questions. Puis, finalement, justement, l'idée de pouvoir filmer, ben c'est peut-être cette idée-là, sud-est-nord-ouest, donc le 360 degrés, pouvoir filmer une action, mais à la fois l'action et son contexte dans lequel il est fait, l'idée de pouvoir filmer l'espace et le temps en même temps. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est récurrent dans le travail de Marie-Andrée Cormier. Donc, c'est assez intéressant. Et ça nous amène, en fait, d'autres questions, d'autres réflexions par rapport à l'action, par rapport au contexte, exactement. Par rapport, évidemment, à, j'imagine aussi, la notion d'extase. Et oui, exactement. Ben, c'est ça. Le projet a été proposé dans le cadre de cette exposition-là. Je vais quand même passer tout de suite à l'autre exposition, donc l'autre proposition de Frédéric Laliberté dans la petite galerie. Et faut le dire tout de suite en partant, ce sont deux propositions dans la grande galerie et dans la petite galerie complètement opposées. On était quand même dans quelque chose de très dénudé avec Marie-Andrée Cormier, mais avec Frédéric Laliberté, on arrive à son opposé absolu, on pourrait dire. Donc, avec l'exposition Ali, Go Fuck Yourself, Baba. Donc, toujours une exposition dans le cadre de Extase, donc co-diffusée avec Folie Culture. Donc, ici, on rentre dans une espèce de cabanon, entrepôt, caverne d'Ali Baba, on pourrait sous-entendre ça avec le titre, qui montre l'opposé du dénuement, c'est-à-dire l'excès, le débordement, l'abondance. C'est une sorte d'entrepôt de souvenirs, d'échantillons du passé, puis le mot est quand même assez bien choisi, puisque on retrouve des objets de toutes sortes, dans des ziplocs accrochés ces murs, des boîtes empilées. On peut vraiment retrouver de tout, de la retaille de papier aux vieux tourne-disques, aux vieux livres, aux vieux agendas scolaires. Donc, c'est vraiment là un amoncellement de paperasse, de bébelles, c'est le cas de dire, ou voire tout simplement de rebuts. Oui, qui sont un peu accumulés pour être accumulés, mais qui a pas nécessairement d'utilité au-delà justement de l'accumulation. Ben non, en fait, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment, c'est comme elle le dit si bien, en fait, l'artiste elle-même, c'est l'éloge de la nostalgie dans un palais de rebuts. Donc, c'est comme si elle avait conservé tous les objets qui marquent son passage sur Terre depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment tout sans rien jeter. Là, on voit les petits maillots de bain d'enfants, on voit vraiment là, du matériel qu'on voit qu'elle a probablement travaillé pendant ses études en art, ses agendas scolaires du secondaire, c'est vraiment assez des cassettes, n'importe quoi. Et Dominique Savoie, l'ambiance qu'on ressent quand on est dans ce lieu-là, est-ce qu'on se sent écrasé derrière cet amoncellement-là? Ben, effectivement, pour ceux qui sont déjà allés à la petite galerie, c'est quand même pas un lieu. C'est la petite galerie, là. C'est ça. Elle est pas évidente, cette galerie-là, puisque en termes de dimension, elle est très petite et très haute. Ben, mais Frédéric, elle va remplir complètement le lieu et elle va même réussir à créer des divisions comme si on entrait dans une chambre. C'est quasiment un 2,5, là. T'sais, j'exagère, là, mais elle a réussi à faire des subdivisions et bien évidemment, il est conseillé de porter un casque de sécurité avant d'aller à l'intérieur puisque c'est vraiment, vraiment là, compact. Il y a du stock partout. C'est avis aux accumulateurs compulsifs, aux collectionneurs extrêmes. C'est vraiment l'éloge à ce qu'on appelle le silogomaniaque, donc celui qui conserve tout, qui n'est pas capable de jeter rien. Donc, c'est un peu cette idée-là qui est représentée, toujours dans l'optique de extase. Et avec cette caverne d'Ali Baba et cette surcharge, ben bien évidemment, on est interpellé nous-mêmes là, qu'est-ce qu'on fait nous avec ces éléments-là dans notre vie, est-ce qu'on les garde, on les jette, si je les accumulais, qu'est-ce que ça ferait, où je les mettrais, donc ça nous interpelle beaucoup. Puis en fait le défi qu'on a parfois à se départir de certains éléments, on donne une valeur émotive peut-être à un objet qui en est astreint, mais nous on lui donne cette valeur-là, on n'est plus capable de s'en débarrasser. Ben c'est ça, donc c'est beaucoup de questions qui se posent automatiquement. On se sent vite coincé dans ce lieu-là. Moi, avis aux claustrophobes, ce qui est mon cas, on reste pas là une heure. Là, t'sais, après 10 minutes, c'est déjà beaucoup. On est content de sortir. Il y a une chose intéressante parce que c'est pas juste une accumulation. On arrive, puis il y a tout le long, on entend un son. C'est que Frédéric Laliberté s'est enregistré sur un ton très neutre, comme si elle énumérait, elle faisait l'inventaire de tout ce qui est présent dans cette salle-là. Puis c'est en continu, donc je l'ai pas écouté jusqu'au bout, mais c'est l'énumération de tous les objets, et on assiste dans une petite scène, il y a comme dans les multiples choses visibles dans ce lieu-là, elle a créé une sorte de public en carton ondulé qui regarde comme s'ils étaient au cinéma et qu'ils assistaient à la présentation diapositive par diapositive de tout le matériel qui est disponible sur les lieux. Donc, c'est un travail d'archivage en même temps, donc c'est assez impressionnant. Et j'imagine que ça rajoute à l'ambiance, une ambiance un peu trouble, au bout du compte. Oui, oui, ben c'est sûr, moi, après quelques minutes, je me sens comme surexcitée, trop stimulée, beaucoup trop de, autant visuellement que sensoriellement, puis on doit le dire aussi, même auditivement, parce que cette cassette-là qui roule de façon monotone, ça finit par t'affecter également. Là. Alors, ces deux expositions-là, c'est à l'œil de poisson, donc Marie-André Cormier, Sud-Ouest, Nord-Ouest, et Frédéric Laliberté, Ali, Go Fuck Yourself, Baba. C'est jusqu'au 18 novembre, donc ça vaut la peine d'aller faire un tour? Oui, ça vaut la peine, là, il reste quelques jours, puis ce n'est que pour constater l'effet contraste entre les deux. Ce sont deux beaux projets de deux artistes là, qui démarrent bien. Dominique Savoie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et au plaisir. Et nous, on prend une autre pause audio, suggestion de Simon Roy. Donc toujours dans ce disque Berlin Toy Bazaar, on écoute Anchor Squidget. Alors voilà, donc, extrait encore Squidget ici à l'aérospatiale. Et on l'a mentionné en ouverture, vous avez peut-être été faire un tour d'ailleurs au Musée national des beaux-arts du Québec cette fin de semaine. Un leg exceptionnel qui a été fait, plus de 1000 objets d'art du peintre Alfred de Pellin. Ils étaient présentés au public cette fin de semaine. Nous, on en profite justement de ce don pour porter un regard sur ce qu'il représente pour le Musée national des beaux-arts. Et pour nous en parler, pour en discuter avec nous, on est en compagnie du président du conseil d'administration de la fondation du musée, John R. Porter. Bonjour. Bonjour, je pourrais. Et on l'a dit en introduction, dans le fond, avec ce leg-là, 1000 objets, ça veut dire que le musée possède désormais la plus importante collection d'œuvres de Pellin. Oui, en fait, c'était déjà le cas avant cette acquisition majeure. Le musée possédait déjà près de 200 œuvres, de différentes périodes de la production de Pellant. Mais là, c'est comme une plongée dans une facette de la créativité de Pellant qui était jusque-là relativement peu représentée dans les collections, parce qu'en fin de compte, c'est un peu le trésor personnel que Pellant gardait dans la voûte de sa maison atelier à Ville-de-Laval, qu'il a gardé durant toute sa vie et que sa veuve, Madeleine Policino Pellant, a à son tour préservé et qu'elle a légué il y a donc 2 ans au Musée national des beaux-arts du Québec. Alors, c'est un legs absolument extraordinaire, magique, qui nous fait découvrir jusqu'à quel point, on savait déjà que Pellant c'était important, mais jusqu'à quel point c'est un grand artiste hyper imaginatif et qui a exploré des avenues, dans certains cas, assez étonnantes. Et vous l'avez dit, en fait, c'est dans son atelier, et j'imagine que s'il y en avait 1000 comme ça, c'est parce qu'il avait eu, ou son épouse avait eu la volonté à un moment donné de garder, de conserver, de classer tout ça. Oui, Pellant, c'est un artiste assez délirant dans certains cas, assez éclaté, mais en même temps, c'était un méticuleux, un organisé. Quand on revoit le contenu même de son atelier, qui n'a pas changé depuis sa mort, ben vous avez à un moment donné des alignements de dizaines et de dizaines de pinceaux de différents formats. C'est la même chose pour les pastels, ça va être la même chose pour les crayons, etc. C'était quelqu'un de très organisé. Il était tellement bien organisé pour travailler qu'il pouvait vraiment, j'allais dire, se déchaîner en toute liberté. Et c'est quelqu'un qui avait conscience de l'importance de sa production et qui tenait à conserver trace de ce qu'il avait généré au fil de son parcours d'artiste. Et ça embrasse une période quand même assez large, ce dont le musée a hérité. Ça couvre la période 1926 à 1985. Mmh. Alors, Pellant, qui avait une certaine peur du feu, avait fait aménager dans cette maison qui remontait aux années 1840, non seulement un atelier à l'étage, mais au rez-de-chaussée, une voûte à l'abri du feu, dans lequel il a gardé non seulement pas loin de 700 dessins, mais également des gouaches, des encres, des photomontages, des sculptures, des costumes, des estampes, et ainsi que quelques tableaux. Alors, c'était comme une caverne d'Ali Baba bien organisée, et c'était assez magique d'entrer là, et assez impressionnant. Oui, et ce que j'imagine, en fait, c'est qu'on entend souvent, il y a toujours cette idée de l'artiste qui ne surveille pas son travail, n'est pas nécessairement préoccupé par le sort qui laisse les collections être dispersées. On pense à Marc-Aurel Fortin, par exemple, dont le fond d'atelier avait tout simplement disparu. Oui, et parallèlement, il y en a d'autres comme M. Pellant qui sont aux antipodes de ça. Là. Oui, les artistes, globalement, sont assez représentatifs de l'humanité. Alors, il y a vraiment tous les types. Il y a des hyper organisés, il y a des hyper dissolus, il y a vraiment tous les types. Dans le cas de Pellant, c'était un organisé, tout était bien classé, et en même temps, il y avait répertorié beaucoup, beaucoup d'informations sur sa production, ce qu'on appelle un spécilège, avec des quand il y avait des questions de lui, tout était bien documenté, avec des éléments visuels en support, etc. Vraiment quelque chose d'assez merveilleux. Mais à un moment donné, au-delà du nombre, au-delà de la fascination qui peut être associée au fait que c'était un systématique, c'est découvrir des œuvres qui nous, littéralement, nous transportent dans un univers de l'imaginaire assez extraordinaire et qui nous permettent de bien comprendre quel grand artiste Pellant a été. Par exemple, vous prenez la période où il a œuvré en Europe avant de rentrer au pays en 1940. Ben, de 1926 à 1940, il a côtoyé les plus grands, là, Picasso, Max Ernst, Miro, etc. Et on voit à la fois l'écho de certaines influences, mais en même temps l'affirmation d'un talent propre. Alors, il a vraiment fait partie de toute cette culture parisienne, tantôt surréaliste, tantôt cubiste, etc., où il tenait vraiment bien la route par rapport aux autres. Et c'était d'ailleurs le premier grand artiste québécois à être exposé après la guerre au Musée d'art moderne de la ville de Paris, une rétrospective. On a affaire vraiment à une grande pointure. Et dans le fond, comme vous le dites, ben, cette collection-là, de par sa variété, de par sa richesse et de par son étendue au niveau temporel, ben, ça permet vraiment de compléter un peu tous les pans qu'on avait déjà sur la carrière de Pellant, mais d'aller plus en profondeur, de voir sa démarche, de voir son approche de travail, de voir Et ça pave la voie. Vous avez raison, et ça pave la voie. à des recherches approfondies, à des expositions multiples, souvent des découpes thématiques nombreuses. C'est assez étonnant. Puis là-dedans, il y a des choses qui vont surprendre certains amoureux de Pellant. À un moment donné, il a réalisé une série de chaussures littéralement surréalistes. On avait présenté durant le week-end et c'était très apprécié par le public. Il y a pas moins de 2000 personnes qui sont passées au musée. Ça n'arrêtait pas avec des commentaires merveilleux, super, etc. Il y avait là-dedans, dans l'exposition, des quelques œuvres sélectionnées pour donner un avant-goût de la richesse de la collection, des chaussures, avec, par exemple une chaussure avec un pinceau qui est fiché au bout. Donc c'est une chaussure pour peindre avec ses pieds. OK? Et il y avait une série de masques absolument extraordinaires. Il avait réalisé, Pellant, des masques pour le théâtre, pour la Nuit des Rois. Puis à un moment donné, il s'était pris au goût, au piège, à son propre piège, et il en avait réalisé plus d'une cinquantaine au total. Mais c'est un carnaval, c'est absolument merveilleux, c'est frais comme tout. Puis moi, je me souviens, quand je suis rentré dans la fameuse voûte de la maison Pellant, j'ai vu suspendu au plafond, j'étais peut-être trop jeune pour avoir connu ça, mais ce qu'on appelait à l'époque, quand j'étais jeune, des Spoutniks, des vaisseaux pour aller dans l'espace. Alors lui avait été fasciné par ça, et il avait littéralement bricolé des espèces de vaisseaux spatiaux qu'il avait suspendus dans sa voûte. Alors, on n'a pas fini de découvrir Pellant. Ce que les gens ont pu entrevoir en fin de semaine avec beaucoup de délectation, ce n'est vraiment que la petite pointe d'un immense iceberg. Et j'imagine d'ailleurs, M. Porter, que c'est un peu exceptionnel aussi qu'on rende rapidement disponible pendant un temps bref les œuvres, une partie des œuvres. Donc là, ça va être, j'imagine, l'analyse en route vers éventuellement des expositions permanentes et autres, des expositions itinérantes, etc. Oui, je sais que le musée a dans ses cartons, dans un avenir pas trop lointain, vraiment peut-être d'ici une couple d'années, là, une exposition qui va témoigner de la richesse de ce don exceptionnel. Mais là-dessus, je veux lever mon chapeau aussi à la mémoire de Madeleine Poliseno-Pellant, qui a fait un travail merveilleux et qui, à son décès, a rempli la promesse qu'elle m'avait faite en 2006, c'est-à-dire de léguer au musée l'entièreté du contenu de la voûte de Pellant. Et elle a fait plus que ça encore. Elle a légué à la fondation du musée, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, l'entièreté des droits d'auteur de l'artiste. Alors, il y a là un exemple aussi d'une femme brillante, dédiée, soucieuse de la mémoire d'un artiste, et qui va de facto avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la connaissance et pour la diffusion de l'œuvre de son cher Alfred. Et j'imagine que pour aller chercher justement des dons comme ça, pour c'est une question de relation de confiance qu'un musée, que ses représentants construisent avec les artistes, avec ses proches. Hein. Exactement. Moi, j'avais noué une relation très étroite avec Madeleine Pellant. On avait avec elle fait notre premier livre pour enfants. On avait fait l'acquisition du mini bestiaire de Pellant. On avait inauguré le jardin Pellant. On avait fait une salle permanente Pellant qui a duré quelques années, et ainsi de suite. On avait même fait un livre sur les œuvres de Pellant conservées au musée. Puis c'était une histoire d'amour qui était même antérieure à l'arrivée de Madeleine Pellant en scène, parce que vous savez que la première grande rétrospective de Pellant présentée au pays, elle a été ici, à Québec, au milieu des plaines d'Abraham, en 1940. Et ça avait été, à l'époque, un coup de secousse sismique, tellement il y avait là d'innovation et de modernité. Parce que c'est par Pellant que la modernité est d'abord entrée au Québec, et ça, 8 ans avant même tout l'épisode de Refus Global. Et en terminant, M. Porter, j'imagine aussi que tout ça permet peut-être de nous rappeler et de souligner une nouvelle fois l'importance de dons privés, de collections d'artistes pour aider les musées à bâtir, à renouveler, à amplifier, à bonifier leurs collections. Ben, vous avez tout à fait raison. Il faut savoir, par exemple, que si vous prenez l'entièreté de la collection du musée, qui aujourd'hui doit compter à peu près 34 000, 35 000 œuvres, eh bien, j'avais fait un relevé statistique à l'époque et qui m'avait appris que plus des 2/3 des œuvres de la collection était le fruit de dons et de legs. Et en ce sens-là, c'est très inspirant et encourageant pour ceux et celles qui, aujourd'hui attachés à certaines œuvres d'art, vont faire en sorte qu'à un moment donné, les œuvres vont passer du privé au public. Et en ce sens-là, les artistes, les collectionneurs, les amateurs d'art peuvent vraiment faire la différence. Et en effet, de rétroaction, ça permet à un moment donné à l'institution de partager avec l'ensemble de la collectivité des œuvres qui vous appartiennent. Parce que ce dont on parle maintenant, là, cette donation exceptionnelle, ben ça vous appartient à vous, ça appartient à tous les auditeurs qui nous entendent ce soir. C'est collectif maintenant. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, magique. C'est parti d'un individu, d'un couple, puis maintenant, c'est un objet de partage. Ah ben, John Porter, donc président du conseil d'administration de la Fondation du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de mettre en relief un peu ce que ça représente, ce don, et au plaisir. J'en prie, au plaisir. Merci. Merci. Et nous, là-dessus, on part avec une dernière pause audio, donc tirée de Berlin Toy Bazaar. On écoute Home Buzzer Exit. Et voilà, donc je rappelle que les liens vers les pièces donc qu'on a entendues ce soir et d'autres pièces de Berlin Toy Bazaar, suggestion de Simon Roy, sont disponibles donc sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Au calendrier cette semaine, plusieurs vernissages, notamment le 1er novembre à 17h, vernissage de l'exposition de Nicolas Lachance, c'est à Regard. Le 2 novembre, vous avez à 17h, vernissage à Materia de l'exposition d'Elisabeth Picard, structure modulaire, flow et construction 3. Également le 2 novembre à 17h aussi, donc vernissage de paysages à souffle de Make Way Feu à la bande vidéo. Et enfin, toujours le 2 novembre, dès 17h également, il y a une soirée de financement pour l'établi. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations d'ailleurs sur cette soirée où on parle de vente, soirée DJ et le reste, alors vous allez sur le site de l'établi, www.établi.org. Alors ben nous, c'est ainsi qu'on se dirige vers la fin de cette émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Gay qui prendra la relève, qui sera avec vous tout au long du mois de novembre, en remplacement de l'animatrice régulière de cette émission, Julie Gagné. Alors, je remercie évidemment les invités, les chroniqueurs qui sont passés ici aujourd'hui à la mise en onde de Jacques Gignac. Je remercie également Julie Gagné pour son aide à la recherche aujourd'hui. Et je m'appelle Raymond Poirier. Ça a été un plaisir d'être avec vous ici à CKRL pour cette édition de l'aérospatiale. Et dans quelques instants, ce sera Gilles Chaumel qui prendra la relève sur nos ondes avec l'émission Folk d'Amérique. Alors, bonne semaine à tous et à toutes.